non, non, pas bonjour. J'ai dit non, pas bonjour. Quand c'est non, pas bonjour. Ah non, mais quelle idée de venir m'embêter quand je fais la grasse matinée. Ah non, laissez-moi donc recompter les moutons et me rendormir pour de bon. Moi je rêvais sans mélange d'une abeille aux cheveux d'ange. Non, non, pas bonjour. J'ai dit non, pas bonjour. Quand c'est non, pas bonjour. Ah non, pour les risettes, les coucous, les courbettes. Allez voir ailleurs, je répète. C'est non, non, pas question de sortir nom de nom. Et quand j'ai dit non, j'ai dit non. Non! Tu parles d'un voisin. Voisin zinzin. Bourdon dondon. Je le gomme. Bon, mon lapin, on ne va pas se laisser abattre. Un de gommé, 10 de retrouvé. Raconte-moi plutôt ce que t'as dit Colimaçon. Colimaçon est parti. Parti? Tu plaisantes, il ne peut plus bouger de sa coquille. Je te jure, lorsque je suis arrivé chez lui, je l'ai vu s'envoler par la fenêtre.